Diego Ça Bouge, magazine d'actualité culturelle en français à Diego et au nord de Madagascar. Diffusion à Diego à la radio Jupiter 90 FM. Samedi 14h à 15h. Atana RFM, Radio France Madagascar 102 FM. Animation Zoul. Page Facebook Diego Ça Bouge. Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de votre magazine radio consacré au Grand Nord de Madagascar, Diego Ça Bouge. Vous retrouverez votre émission un samedi sur deux de 14h à 15h. Elle sera diffusée simultanément sur deux radios, à Antananarivo sur 102 FM, Radio France Madagascar, et à Diego sur le 90 FM, Radio Jupiter. Dans Diego Ça Bouge, nous vous emmenons à la rencontre de ceux qui font bouger Diego au quotidien. Habitants de Diego, bien sûr, malgaches d'ici et d'ailleurs, étrangers résidents ou de passage. Sous forme de reportages et d'entretiens, de micro-trottoirs ou de portraits, nous essaierons de partager avec vous toute la richesse de Diego. Ville historique, culturelle, remplie d'artistes, à la jeunesse débordante d'énergie et d'envie, Diego et ses alentours offrent aussi une biodiversité inégalée, avec la mer bien sûr, une des plus belles baies du monde, mais aussi la montagne, la forêt et des paysages exceptionnels. Nous espérons que vous serez nombreux à apprécier et à suivre régulièrement Diego Ça Bouge. Nous attendons d'ores et déjà vos commentaires, critiques ou questions sur la page Facebook de l'émission. Avant de vous livrer le programme de ce premier numéro, je vous invite à écouter attentivement ce morceau d'un jeune malgache plein de talent. Il s'appelle Drina et quelque chose me dit que vous allez régulièrement entendre parler de lui. Akori nana rotia be, hey, akori nana rotia po, akori nana rotia be, akori nana rotia po. Zeti salama meva tismara, hen tu magta inda nga are, akora ro meva kona naro mola tare, sidia mar kura nga zaye to, fami joru tara, sidia mar kura nga zaye. Fami jor me va wanti kajabe, ya eh. Akore nana roti ako, bola tare nana ro. Akore nana roti abe, bola tare. Eh, akore nana roti ako, ya eh. Akore nana ro na veto, bola tare nana ro. Odilo, mare sakam naro angye. Ya fama diso mamar nga ngat biso oh dunya dit stop tinanze nge fana mara li paminan ketiga kaza mese me fanga bane fami fame no fena nga monitane eh oh akore nana rotia ko bola tare nana ro akore nana rotia be bola tare eh akore nana rotia ko bola tare akore nana ro na veto Mara hen tu magta inda nga are akora ro me va kona na ro mola tare sidia mar kura nga zayeto fami joru tara sidia mar kura nga zayeto fami joru me va wanti kajabe ya eh akore na na ro tia ko mola tare na na ro akore na na ro jabe mola tare Akore nana ro tia ko, ya eh. Akore nana ro na veto, bola tare nana ro. Akore nana ro tia ko, bola tare nana ro. Akore nana ro jabe, bola tare. Eh, akore nana ro tia ko, ya eh. Akore nana ro na veto, bola tare nana ro. Voilà, vous écoutez toujours Diego Ça Bouge, le magazine culturel de la région nord de Madagascar. On vient tout de suite d'écouter un premier morceau de l'artiste Drina, intitulé tout simplement Bolatsar, c'est ainsi qu'on se salue dans le nord de Madagascar. Drina est un jeune artiste originaire de Madiroubé, un petit village situé à une trentaine de kilomètres au sud-est d'Antsiranana. Le 22 février dernier, dans le cadre des concerts Musica Labs proposés par l'Alliance française d'Antsiranana, Drina, entouré de ses 5 musiciens, a mis le feu au public. Ambiance festive assurée témoigne tous ceux qui avaient la chance d'être présents. Drina, qui a commencé la musique dès son plus jeune âge à travers le rap, le reggae, a profité d'un séjour d'études de quelques années à la capitale pour perfectionner son art. Il s'entoure d'un quartet de musiciens classiques pour former le groupe Vao, qui donnera des concerts remarqués à Tana. En 2017, Drina rentre à Diego où il se replonge dans sa culture d'origine et renoue avec les rythmes traditionnels du Nord. Il forme un nouveau groupe à Diego qui va se distinguer régulièrement lors des tremplins organisés par l'Alliance française et au cours d'une série de concerts qu'il donne à Diego et Nocibé. On attend avec impatience la sortie de son premier album, tandis que Drina devrait prochainement rencontrer le public de la capitale de Madagascar. Il sera notre invité lors d'un prochain numéro de Diego ça bouge. Pour l'heure, je vous amène à la rencontre de ceux qui font bouger Diego. Nous commençons notre visite en compagnie de Victor, le président de l'association Ambre, qui se bat depuis plus de 15 ans pour valoriser la ville de Diego. De la place Joffre à la place Cabar, Victor nous parle de leur combat pour la reconnaissance du patrimoine historique et culturel d'Antsiranana. Place Cabar, justement, nous retrouvons en studio un des tontons de la musique malgache. Connu du public sous le nom d'Edes, il nous parlera de son nouveau projet MLF, des artistes qui s'engagent et crient leur ras-le-bol de la pauvreté en musique. Pour sortir les jeunes de la pauvreté, Evelyne et son association L'Agifas sont champions. Depuis une dizaine d'années, ils accompagnent avec succès les jeunes dans leur recherche d'emploi. Nous échangeons aujourd'hui avec Evelyne, qui nous livre leurs recettes pour relever tous ces défis et nous explique pourquoi il ne faut jamais baisser les bras. En seconde partie d'émission, nous parcourons avec Mathieu l'extrême nord de Madagascar à l'occasion de la sortie d'un guide original qu'il vient d'éditer et qui nous présente des idées d'excursion exceptionnelles, voire inédites, autour de Diego Suarez. Enfin, pour conclure ce premier numéro de Diego ça bouge, nous nous arrêtons à l'Alliance française d'Antsiranana où Olivia nous présente le programme chargé de ces prochaines semaines. On se rend tout de suite place Joffre où nous attend Victor et l'association Ambre. Alors l'association Ambre, à ses débuts, en 2003, s'était surtout intéressée à valoriser la nature. Plusieurs parcs de la ville de Diego ont été créés par l'association Ambre. Par exemple, celui que l'on trouve à la place Foch, devant l'hôtel de ville, celui de la place Cabar, celui du kiosque à musique, tout près d'ici, donc ici c'est la place Joffre. Pour ne citer que cela. À partir de 2011, l'association s'est tournée vers la valorisation touristique des patrimoines historiques, culturels, en particulier tout ce qui concerne les vestiges historiques des fortifications de la baie de Diego Suarez. Le site sur lequel on se trouve actuellement, c'est la place Joffre. Bon, pourquoi place Joffre ? Parce que c'est un site sur la ville haute, intermédiaire, je dirais, où on domine plusieurs points. Diego Suarez étant avant tout une ville qui était d'abord militaire, surtout militaire, depuis que l'État français avait décidé de faire de Diego le point d'appui de la flotte française. C'est là qu'a commencé l'épopée Joffre à Diego, à partir des années 1900 à 1905. Donc cette place, place Joffre, a été aussi dénommée en souvenir des travaux réalisés, surtout du côté militaire, par le maréchal Joffre, qui était à l'époque donc colonel. Alors ce qu'il a fait, c'est créer sur cette place un camp retranché à l'intérieur de la baie pour réaliser cette mission, point d'appui de la flotte française dans l'océan Indien. Pour mémoire, il y avait deux autres points d'appui de la flotte française dans le monde, Saïgon et Dakar. Donc Diego était le dernier pour contrôler toute la route de l'océan Indien. Sur ce point précis, tout un réseau de postes optiques avait été créé par le colonel Joffre en 1900, dès son arrivée. Celui de la place Joffre, qui n'existe plus, qui a été détruit le 5 mai 1942 par l'aviation britannique. Un autre poste optique en face de nous, à Windsor Castle, que l'on aperçoit d'ici. Et un autre au camp d'ambre que l'on aperçoit vaguement dans les nuages, ce camp d'ambre qui porte aujourd'hui le nom de Joffreville. Donc c'est toujours en mémoire des travaux réalisés par le colonel Joffre à l'époque. Et enfin, je rajouterai que ce réseau de postes optiques était destiné à surveiller toute la région de Diego, de la baie de Diego, voilà. Et l'association Ambre a donc inventorié tous ces sites et cartographié tous ces sites dans un ouvrage qui s'appelle « Les fortifications de la baie de Diego ». Ambre, ça signifie association pour la mémoire, la beauté, le renouveau, l'environnement d'un tirana. Il existe plusieurs circuits, quatre. Actuellement, nous sommes sur un de ces circuits, donc la place Joffre, qui se prolonge à la place du kiosque à musique, avec tout près l'hôtel de la Marine, le long de l'avenue Richelieu, et qui se prolonge par la résidence, donc l'ancienne résidence du gouverneur, et on arrive à l'hôpital, le premier hôpital construit à Diego-sur-Èze, c'est-à-dire l'hôpital militaire. Aujourd'hui, ça porte le nom de centre hospitalier universitaire de Place Cabar. Et cette rue Richelieu se prolonge justement jusqu'à la Place Cabar, qui est un autre lieu emblématique de l'association Ambre. Toute population a une mémoire. Conserver cette mémoire, c'est un peu un objectif inavoué de toutes les populations. Et ce devoir de mémoire porte en particulier sur la culture. C'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants ne connaissent pas cette histoire. On ne leur enseigne pas à l'école publique, à l'école primaire, ni à l'école secondaire. On enseigne l'histoire de Madagascar en général, dans tout le pays. Mais ce type d'histoire locale, qui est très important et qui est innombrable, c'est une mémoire qu'il faudrait conserver. Et la seule façon de le faire, c'est de sensibiliser non seulement les jeunes, mais également les adultes, pour qu'on laisse à nos enfants, nos petits-enfants, un environnement, non seulement un environnement végétal, la biodiversité, on en parle beaucoup, les changements climatiques, mais également culturel, ça fait partie du tout. On ne peut pas séparer ça de l'environnement en général, c'est-à-dire la richesse culturelle. Il s'agit, on peut souhaiter, de transformer cette richesse culturelle en levier de développement touristique. Beaucoup de pays l'ont fait, qui ont une histoire comparable à celle que l'on rencontre dans la baie de Diego, et qui ont réussi à transformer cette richesse culturelle en levier de développement touristique. Voilà, donc si la jeunesse antiranaise peut s'intéresser, et je l'encourage vivement à s'y intéresser, nous sommes là pour ça, c'est un legs que nous faisons à la jeunesse pour que ce ne soit pas perdu, eh bien ce serait une richesse. Je pense que c'est une question de sensibilisation et qui n'a pas été suffisamment soutenue auprès des jeunes. Vous savez, une association comme l'association Ambre, c'est avant tout une association de bénévoles. Donc c'est une association qui n'a pas les moyens de réaliser des sensibilisations qui demandent des moyens d'envergure au niveau des autorités locales, régionales, voire nationales. L'association Ambre a fait toutes les démarches qu'elle a pu pour demander que tout ce patrimoine soit inscrit au patrimoine national. Mais ces efforts sont restés vains à ce jour. Donc ce qu'il faudrait, il faudrait du lobbying, il faudrait que les autorités prennent non seulement conscience, ça ne suffit pas, mais s'investissent dans cette sensibilisation pour parvenir à faire cette transformation en levier durable de développement du tourisme à travers le tourisme culturel en particulier, dont le potentiel dans la région de Diego est immense, mais inexploité. Yes, the ghost you're not a Barcha gaskara watanana fiavian Sadina tata kalu tanana tiarian Charova nga matiartan misfian kabian Ameza kubi gop manaf jabi am kartye Zana KDS jabi big respe Azadina la bandi am site Manova mola tara kofa no jonda la fe Degos karezi nama Tanana matamana Koyalana mangoma Ambiansi omafa Tanana matamane Koyalanga mangoma Ambiansi omafana Iskopa riba riba mareska pati Marufu tanana fatisi karati Manafu tara sanji baby gali sexy Izi kote yita nomba manda lovati Iska dimonsha ramena beach Mangala ninti ninti asalu atis Live normal, feti rangu mal Adinga dinga tap tale Diegoska rezi nama Tanana matamana Koyalanga mangoma Ambiansi omafana Diegoska rezi name Tanana matamane Koyalanga mangoma Ambiansi omafana Diegokosmopolit Missy Plus magnifique Fiesta tiritra agnaty roots ka magnitra Olo jiaby misoma tsisy miala Diego Suarez nama rehareany gasikara Iro vahiny mandalo magnano vakansy tavela agnatina ambiansy Mirevorevo ambiansy tafitrika agnaty kadansy Ambiansy misy misy joly misy Kofa matra viety Diego Suarez Diego Suarez nama Tanana matamana Koyalanga mangoma Ambiansy omafana Diego Suarez nama Tanana matamane Koyalanga mangoma Ambiansi omafana Yes, brother, yes, sister Atika sana KDS Mila miara ta mila mtamata Yawa Jago ni tiga Atika sana kadigo alafutani Aza mga dinga tanana Aza mga dinga havana Mandalova mtidiki, mandalova mamangi Zava Production Reta Song Yesai Merci brother Yeah Diego Ça Bouge Magazine d'actualité culturelle en français à Diego et au nord de Madagascar Si vous nous rejoignez en cours de route nous vous souhaitons la bienvenue à l'écoute de votre nouveau magazine culturel Diego Ça Bouge À l'instant, c'était Jao qui nous livrait l'an dernier ce morceau festif à la gloire de cette ville qu'on adore, Diego Suarez City. Et juste avant ce morceau, Victor de l'association Ambre soulignait de son côté l'immense potentiel du tourisme culturel encore largement sous-exploité dans la région. Il nous laissait place Kabar, où nous avons poussé les portes du studio PK Zone pour rencontrer les MLF en train de finaliser leur nouvel album. Attention, restez bien à l'écoute, Diego Ça Bouge a l'honneur de vous présenter un morceau inédit, tout juste sorti du studio. MLF, le groupe MLF, donc M ça veut dire Malagasy, L, Léo, Léo en Amar quoi, Kenomar, les Malgaches Kenomar, les Fahantana, MLF, Malagasy, Léo, Fahantana. Fahantana c'est quoi? C'est la pauvreté, on en a marre de la pauvreté. Et ce sont des artistes qui ont pris décision. Voilà. On va crier notre révolte contre cette pauvreté en chanson. Voilà pourquoi on est en train de préparer, on prépare un album là qui ne parle que de ça. Comment s'en sortir? On n'est pas là pour critiquer, hein, mais on donne une solution aussi. On partage notre opinion artistique et tout quoi, pour la société. C'est-à-dire, MLF exerce l'art pour la société. C'est pas l'art pour l'art. L'art pour l'art, c'est question de feeling quoi. Je sors ce que je ressens dans mon cœur. Non, MLF, voilà. Malagasy, Léo Fahantana. On en a marre de la pauvreté. Donc voilà pourquoi on s'engage à donner enfin quelques solutions. Ouais. Selon notre possibilité. C'est quoi notre possibilité? Notre possibilité, c'est cette liberté d'expression. en tant qu'artiste, on crie sur le haut du toit, quoi. Oui, c'est qui c'est qui ne va pas. Pour le public, pour le peuple, pour le bien du peuple, le bien-être du peuple. Voilà. Ce que j'ai fait, ce que nous faisons ici, c'est une nouvelle, un nouveau style, c'est-à-dire des sons, des chansons engagées qui réclament ou déclarent ce que les autres pensent tout bas. Nous, on le crie tout haut, quoi, voilà. Ce sont des textes engagés. C'est une nouvelle génération. Nous avons cette audace, quoi. On va marcher sur cette route au lieu d'être comme les autres qui ne parlent que d'amour. Mais nous, on veut sauver le peuple par le biais de la chanson, de la musique. Il y a cet amalgame, le mélange du bagasse, c'est-à-dire un rythme typiquement malgache, avec du rock'n'roll. Donc c'est une nouvelle création, quoi, voilà. Donc une nouvelle décision aussi. Là, on se plaigne, non aux autorités locales, non. Mais on s'adresse directement au président de la République. Ça fait partie de la démocratie. On essaie de mettre sur le soleil ce qui sont cachés, ce que les gens cachent. On va essayer, on va essayer. On va essayer. Normalement, la musique a son pouvoir. On a choisi la musique pour défendre les droits du peuple. Digo tsarapati, antiranga na mila vola. Vaoka efa maera, tsipe fauri anga tsefa kamidola. Digo tsarapati, nefa vaoka lanivats. Antiranga na mila vola, afani dola. Mila fiuva mpencha maera veka. Mila fana voza na tetika mati peka. Kuli isambara tunga paefanga. Misi havulenta arakini ulanga vanga. Ikenga fa vakapanga irova lupi mfangu kupe. Matetika vain malagasi iropa mume. Mandavatani, singing Montarengi, Nisarangambani, Zings Abamis, Eto, Aulos Andars, Police de la Route, Sismoudimengi, Chauffeur à taxi, Jabi, Sismitareng, Digo Tsarapati, Antiranga na mila vola, Vaoka Eva Maera. Sipe fauri anga tsefa kamidola. Digo tsarapati, nefa vaoka lalivats. Antsiranga na mila vola, afani dola. Mila fiuva mpencha maher veka. Mila fana voza na tetika matipeka. Mila fiuva mpencha maher veka. Mila fana voza na tetika matipeka. Tali Malum kwa tiambale marar favanzali Atabola mfiana kaviena satfo uruhuru Marva vulumbelu ni mati afaka mizuru Kuli kuli manger na tribunali Mila to enquête legal operation speciale Mangela na biro panza kana mbuni jiskambani Atam komin na delege sisa kamfuktani Mila fana juvange Mila fiaruvange Mila fana juvange Mila fiaruvange Fanu soana, cool cool ultimate form. Kwamila fanu suanga, ultimate form. Di gota rapati antiranga na mila vola. Vaoka eva maera, sipe fauri anga tiafa kamidola. Di gota rapati, neva vaoka lani vats. Antiranga na mila vola, afani idola. Mila fiuvan pencha maer vega. Mila fana voza na tetka mati pega. Mila fiuvan pencha maer vega. Et en un mot, il y a, comment on appelle ça, coulcouli. Hein, la corruption qui est en train de gagner le terrain. On essaye de participer à l'abolition de cette corruption, quoi, de ce mal. Ça peut déranger pas mal de gens. On n'a pas peur de le dire. Parce que nous avons notre force, la force de l'art. On a confiance en ça. Enfin, de toute façon, nous nous adressons au public, au peuple. Surtout le peuple de Diego qui vivait de la fête nocturne, que ce soit nocturne, que ce soit dans la journée, les gens travaillent, ils cherchent de l'argent. Mais la nuit, ça, c'est un pays de fête. C'est un pays fêtard, c'est un coin fêtard ici à Diego, dans le temps. Mais en ce moment, ça devient, par la pauvreté générale, hein, je dis généralisée, ça vient d'où? Du fait que ça vient, et effectivement, de la corruption. Ça fait partie de la source de la pauvreté. Donc on le dénonce. Tout en étant gay, tout en étant joyeux. On n'a pas peur de les dénoncer. Là où les coins où on a cité dans les paroles, à l'hôpital, au tribunal, c'est le temple de la corruption. Partout, un peu partout, quoi. Ça commence par le Fukutan, à la commune. Délégué jusqu'au Fukutan. Donc, c'est bon, quoi. Donc, on le dénonce. On n'a pas peur de le dénoncer. Pour que le gouvernement, le nouveau, justement, l'entende. Voilà. Voilà pourquoi le pouvoir, c'est ça le pouvoir. On veut utiliser notre pouvoir, le pouvoir de l'art. Ils ont besoin d'enquêtes légales. Il faut tout éclaircir et protéger les gens aussi. Milafia Rouvan. Milafanga Duvan. On doit nettoyer, quoi, voilà. Zay, troisième voisin. Augmente un peu la troisième voie là. Voilà. Là c'est bien équilibré. Ouais. Les voix sont là. C'est bon. C'est ma façon d'écrire en rime. Ça parle de Diego. Diego avec toute sa beauté et tout. Mais les gens ne peuvent plus s'amuser. Pourquoi? Parce que tout simplement le peuple n'a plus rien. Donc ça a besoin d'un changement. Diego en particulier a besoin de changement. Quel est ce changement? Donc il faut tout nettoyer. On va sortir les 6 morceaux de... dans un premier temps, quoi, voilà. Et ça continue, c'est un travail de fou, hein, un travail à l'infini. Chaque circonstance, hein, on le montre en musique, quoi. Ouais. On le présente en musique. Donc il faut toujours créer, jusqu'à ce que le combat arrive à son terme, quoi. Il y a YouTube aussi qui fait découvrir des pas mal de secrets. Et essayer d'ouvrir YouTube. c'est beau ça. Vous êtes toujours à l'écoute de Diego Sabouge, votre magazine culturel en français sur Radio France Madagascar à Tana et Radio Jupiter à Diego. Après les artistes qui s'engagent contre la pauvreté, on retrouve une femme qui a choisi l'action, l'entraide et qui encourage depuis plus de 10 ans les jeunes de Diego à se mettre en réseau pour sortir de la galère. Que ce soit pour décrocher un emploi, créer son propre business ou simplement vous aider à trouver votre propre voie, Evelyne et l'Agifas proposent des réponses concrètes au jour le jour pour affronter les situations les plus difficiles. Nous sommes au Carrefour Emploi pour en savoir plus sur cette initiative. Je m'appelle Evelyne Nougzar, je suis la cofondatrice de l'association des jeunes formateurs de Diego. L'association a été créée en 2007. Comme mission, donc, c'est l'insertion professionnelle et sociale des jeunes de Diego. Depuis 2011, on a beaucoup investi donc sur la promotion de l'emploi, mais aussi la préparation de ces jeunes, le retour de ces jeunes dans la vie en société. Au départ, moi, je suis très passionnée par les actions sociales. Au début, j'étais avec les Hauts Clubs, j'étais aussi avec la Jeune Chambre internationale. Mais en travaillant avec ces différentes associations qui ne répondent pas vraiment à mes attentes et aussi à mes besoins par rapport à toutes les actions que je me suis toujours rêvé parce que j'ai galéré dans ma vie et j'ai toujours envie d'aider les autres une fois que j'ai mes diplômes. J'ai dû donc à la fois étudier et travailler en même temps. J'ai dit toujours aux jeunes de toujours avoir une vision et des objectifs bien clairs pour pouvoir avancer dans la vie. Quand on veut, on peut. Voilà donc notre devise dans notre association. Ce qu'on cherche vraiment donc par rapport à cette association, c'est de casser le népotisme. Ça, c'est une lutte qu'on mène depuis l'existence de l'association. Lorsque tu n'as pas de famille dans un certain niveau, tu n'auras jamais la chance d'atteindre un certain niveau. Il faut se mettre en réseau, il faut qu'on travaille ensemble pour pouvoir donc lutter contre ces népotismes-là. Ce n'est pas quelque chose de tabou, c'est quelque chose que tout le monde trouve ça normal, or ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on peut faire les jeunes qui n'ont pas cette chance d'être dans ce réseau-là? L'idée de l'association, donc, c'est que tous les jeunes se rejoignent à l'association pour former une certaine plateforme. Nous savons que la ville de Diego est une ville touristique et tout le monde pense que les jeunes filles de Diego sont tous partis essayer de trouver des bazars pour s'en sortir. Mais nous, on propose d'autres alternatives dans notre association, comme quoi, avec notre devise, on aide donc les jeunes à trouver leur voie pour mieux vivre leurs ambitions ainsi que leurs rêves et les atteindre à travers des formations, des séances d'accompagnement et de coaching qu'on fait personnalisées individuellement et en groupe. Voilà donc ce qu'on mène réellement nos actions sur le terrain. Depuis 2017, on avait fait un plaidoyer auprès de la Direction régionale des sports. Cela nous a permis donc d'avoir un bureau permanent au sein de la maison des jeunes de Diego. Ce bureau permanent nous permet, d'accueillir les jeunes qui ont des difficultés, que ce soit un problème d'orientation ou un problème d'insertion à l'emploi, ou des jeunes qui sont en cours de recherche d'emploi, voire même des jeunes qualifiés et des jeunes non qualifiés. Et c'est dans ce bureau-là qu'on accueille ces jeunes, qu'on les écoute, qu'on les oriente, qu'on les accompagne et on le renforce aussi pour pouvoir donc atteindre leurs objectifs. Alors un jeune aujourd'hui qui nous écoute et qui est un peu désespéré parce qu'il cherche du travail depuis longtemps, il ne trouve pas de solution, qu'est-ce que vous pouvez lui dire, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer? Depuis notre création, on accompagne déjà donc, une bonne cinquantaine d'entreprises de jeunes qui est partie vraiment de rien, comme on dit, parce que nous, notre défi, c'est de créer une... Voilà, on a un passage d'un mariage, un mariage mixte, voilà, entre un bazar et une malgache. On est dans la rue, hein, en train d'enregistrer cette émission. Ça nous permet d'assister à un spectacle intéressant et toutefois de continuer la conversation. Et vous les connaissez. Mais ici, c'est le paradis. Hein. Quoi bon d'aller partir en France si ici, il y en a tout. Mais seulement, ben, les gens pensent que aller à l'étranger est meilleur que rester ici à Madin. Moi, je vous dis, c'est l'inverse. À l'étranger, c'est pas facile. C'est différent de ce qu'on voit à la télé ou dans le film. À l'étranger, c'est tout est compliqué. Si t'as pas de qualification, il est compliqué aussi pour toi de trouver un boulot. C'est pas facile aussi de s'adapter par rapport à la société qui est vraiment nouvelle. Moi, le plus triste, c'est qu'un jour, je suis partie à l'extérieur et lorsque je m'assois dans le métro, il y a une place. Mais les gens ne veulent pas être à côté de moi parce que je suis peut-être une femme de couleur. Mais je ne sais pas, mais tout cela m'a vraiment frappée et je dis aux gens que ici à Madin, il y en a tout. Il y a le travail. Mais pour avoir le travail, il faut avoir quelque chose, une vision bien claire, un objectif. Parce que pour travailler, il faut être passionné du travail qu'on fait. Donc, ces passions, il faut qu'on les cherche ensemble. Si tu n'as pas trouvé encore cette passion-là en toi jusqu'à maintenant, nous, on est là. C'est gratuitement. On vous aide à trouver ces chemins. On va vous écouter. On va tracer votre parcours que vous avez fait auparavant. Et on va essayer aussi de fixer un objectif. Pas nous qui va le fixer. C'est vous-même qui va aller le fixer, cet objectif. Mais nous, notre rôle, c'est de vous aider à trouver cette direction, trouver ces chemins-là. Moi, je vous dis, les jeunes, le travail, il y en a. Mais il faut voir aussi les exigences de ces entreprises-là. Ils cherchent un jeune qui a de la vision. Ils cherchent un jeune qui maîtrise l'informatique, qui parle le français parce que tout le fin de mois, on est obligé de faire une rédaction de rapports d'activité. Des jeunes qui savent gérer du budget. Des jeunes qui ont cette génie, donc qui savent prendre des initiatives. Des jeunes qui ont cette facilité de communication interpersonnelle qu'on parle aujourd'hui du leadership. Donc, tous ces critères-là, je sais qu'à l'école, à l'université, même chez vous, vous n'apprendrez pas ça. Mais venez nous joindre à la Maison des Jeunes, au Carrefour Emploi, avec l'association JUFAS. On vous apprend d'avoir une vision de la vie. On vous apprend de fixer des objectifs et comment les atteindre. On vous apprend à tous les gestions d'entreprise comment fonctionne une entreprise donnée. Mais nous, on ne se borne pas aussi en disant aux jeunes qu'il faut aller travailler dans une entreprise. Nous, notre défi, c'est que chaque jeune de Dego puisse avoir leur propre entreprise à lui. Il y a des femmes qui sont parties de rien et qui ne savent pas lire ni écrire. Et en partant de l'élevage de 10 poulets au départ, actuellement, ils vendent et élèvent plus de 500 têtes de poulets de chair et le vendent facilement sur le marché parce que nous, on était là. Aujourd'hui, c'est difficile non seulement de trouver un emploi, mais même quand on trouve un emploi, les salaires sont très bas. Qu'est-ce que vous pensez de cette question ? C'est triste. D'ailleurs, nous, lorsqu'on fait notre analyse, 60% des Malgaches vivent en dessous de 1,90$. C'est pour ça qu'on mène beaucoup de plaidoyers aussi de certaines lobbyines au niveau des autorités. Pourquoi ? Parce que c'est une sonnette d'alarme. Si on fait donc le 2$ par jour, par personne, si on multiplie par 30 jours, ça devient à 60€. Et à 60€, quand on multiplie les 4 000 ariars pour 1€, ça revient à 240 000 ariars. Donc, au minimum, ces salaires devraient être 240 000 pour faire sortir toutes les personnes qui sont dans cette situation de très pauvre et très endettée même. Nous, actuellement, on est membre de l'Observatoire de la jeunesse de Madagascar pour exprimer vraiment ce qu'on trouve. Il y a une grande différence quand même entre les bailleurs, les gens qui financent Madagascar et les gens qui travaillent sur le train Madagascar. C'est qu'en majorité de temps, lorsqu'on fait une politique, ce n'est pas vraiment une politique pour soigner ce problème-là, pour remédier le problème, mais c'est une politique, moi je dis toujours, pour endetter le pays parce qu'on finance des choses qui n'ont pas de sens. Voilà. Il faut vraiment, moi je demande à chaque fois aux bailleurs, il faut aller dans le vrai local. Il faut aller sur le terrain pour voir la réalité et de penser que le projet devrait partir de cette réalité-là, mais non pas partir de haut, ça devait partir du bas. Mmh. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Diego Sabouge et le morceau qu'on vient d'écouter, c'est le single TNM de Christelle de Tana qui sera en concert à Diego le 26 avril prochain. Juste avant, Evelyne et son association L'Agifas nous proposaient des réponses face au chômage des jeunes. N'hésitez pas à faire un tour sur leur page Facebook où sont publiées chaque semaine de nombreuses offres d'emploi ou à leur rendre une petite visite du côté de la Maison des Jeunes. En début d'émission, Victor nous parlait du patrimoine culturel et historique inexploité de Diego. Nous avons rencontré Mathieu, qui vient justement de lancer un guide de voyage original concentré sur Diego et sa région et qui nous invite à s'immerger dans la culture du Grand Nord de Madagascar. Je suis arrivé à Madagascar fin 2013 pour donner mon assistance au lycée mixte en qualité d'animateur de français. J'ai occupé l'essentiel de mes week-ends à visiter les alentours, la brousse, et petit à petit, j'ai eu l'idée de compiler l'ensemble de ces informations et de réaliser un livre, Diego Suarez et l'Extrême Nord. Et l'idée, c'était de faire un guide avec une approche novatrice, s'imbiber presque de la culture locale, établir un livre avec des excursions et un système de rayonnement, c'est-à-dire des excursions qu'on peut rallier entre quelques heures et peut-être une journée autour de Diego Suarez. Et donc vraiment de s'immerger dans la culture de l'Extrême Nord. Mais c'était aussi, d'une manière engagée, essayer de réellement connaître les alentours de Diego Suarez et essayer de faire autre chose que des excursions classiques. Aller peut-être vers justement plus des excursions ou des endroits de brousse qui n'étaient pas connus. Et au niveau du format du livre, il se distingue des livres classiques déjà parce que c'est un livre qui est à la fois beau livre et guide de voyage avec beaucoup d'illustrations, des photos. Et donc c'est un livre qui a nécessité à peu près 2 ans et demi de travail. Pour moi, l'endroit le plus fabuleux à proximité de Diego Suarez, ce serait Nocillar. Et Nocillar, c'est presque un mixte entre l'Ancarne et la mer d'Émeraude. Là, on est maintenant classé en parc national marin depuis quelques années. Et c'est un ensemble d'îlots, un archipel qui se situe à seulement 40 km de Diego Suarez. Et là, on est sur un archipel fantastique de Tsing, au milieu d'une mer rayonnante, très très riche, avec des fonds marins qui sont exceptionnels. Et ça c'est, d'après moi, l'immanquable de l'extrême nord. Ensuite, des choses un peu plus insolites, plus cachées, on pourrait parler de Embu de Vahibé. Embu de Vahibé, c'est classé maintenant réserve marine, et ça se situe dans la continuité de la baie de Sakalav, en direction du sud. Là, on est sur un petit village typique, complètement exempt d'influence touristique. Et la particularité de ce site, à Embu de Vahibé, c'est qu'on est, sur un lagon qui, d'un seul coup, chute sur une fosse. Et donc, on passe de 3 mètres de profondeur dans le lagon à directement 50 à peut-être 200 mètres plus au large. Et ça, c'est assez exceptionnel d'avoir comme ça presque un abysse. Et Embu de Vahibé, il ne faut jamais manquer la visite de la baie des Pirates, qui est située à seulement quelques kilomètres d'Embu de Vahibé. Et là, on est sur une île déserte, fantastique, avec du sable blanc et fin. Et puis, dans les autres insolites, on pourrait citer un parc qui n'a pas encore été ouvert réellement au public, mais qui s'ouvre petit à petit. C'est la réserve spéciale de Lana la Mer, qui est situé à proximité d'Iroud. Alors, ce qui fait un peu le charme de cette visite, c'est que là, on ne va pas être sur des sentiers balisés, on va être vraiment un petit peu dans un caractère aventurier, où il n'y a pas de sentier, vraiment pas de chemin. Et donc, on va d'abord traverser soit à pied, soit en pirogue, les deux bras de la rivière Iroud, avant de rejoindre un milieu de forêt sèche, et ensuite des rivières karstiques vraiment exceptionnelles, où on va être confronté à une eau limpide, magnifique, dans des fantastiques trous d'eau. Et là, vous pourrez, si vous êtes chanceux, rencontrer le Propithèque de Perrier, hein, qui est un des lémuriens les plus rares de Madagascar. Voilà, donc c'est vraiment une excursion un peu hors des sentiers battus et qui est exceptionnelle. Voilà. Alors c'est intéressant, mais justement, moi je me pose la question, comment tu as découvert ces lieux ? Il y a eu pas mal de travail de recherche bibliographique, on va dire, j'ai lu tout ce qu'il était possible de lire, et j'ai trouvé notamment beaucoup d'excursions dans ce qui relevait des vieux journaux, puisqu'à l'époque de la colonie, hein, il y avait déjà un petit peu de tourisme qui avait été un peu oublié. Donc là, j'ai retrouvé des sites touristiques, et je suis allé ensuite me rendre sur place pour un peu valider ou pour vérifier vraiment qu'il y avait un caractère particulier à mettre en avant. Ensuite, beaucoup de questionnements autour des populations, des gens qui connaissaient. Est-ce qu'ils ne connaissaient pas une cascade ? Est-ce qu'ils ne connaissaient pas un trou d'eau, un lac un peu exceptionnel ? Et enfin, pas mal de recherches sur les cartes. C'est-à-dire que j'avais les cartes. Malheureusement, on ne dispose pas de cartes plus récentes que celles de 1960. Hein, on est dans les 1969. Et à partir de ces cartes, j'essayais de trouver des endroits forestiers, des cascades, des lacs. Et ensuite, je prenais le taxi brousse et puis j'allais visiter ces endroits. Donc il y a 40 excursions, mais c'est vrai que j'ai fait plus d'excursions que ça, mais j'en ai sélectionné qu'une quarantaine. Voilà. Aujourd'hui, si des gens sont intéressés par ce guide, comment ils font pour se le procurer ? Il est distribué en France, tous les magasins spécialisés dans le voyage, Vieux Campeurs, Voyageurs du Monde à Paris, dans n'importe quelle librairie à La Réunion et également à Mayotte. Pour l'instant, il n'y a pas de distribution physique à Madagascar. Par contre, il est tout à fait possible de le commander par rapport à ce guide de conversation. Et donc ça s'inscrit vraiment dans une démarche personnelle qui se veut engagée. C'est-à-dire que pour moi, découvrir un pays, voyager, c'est aussi découvrir une langue. La langue, hein, c'est le noyau de toute culture. Donc si on veut réellement comprendre une culture, il faut, et c'est essentiel, s'intéresser à sa langue. Et c'est pour ça que je donne vraiment des pistes d'apprentissage, c'est une méthodologie pour essayer d'apprendre assez vite le Sakalav, qui n'est pas forcément une langue difficile dans sa construction, qui peut être difficile par rapport au vocabulaire puisqu'il n'a aucune racine commune avec notre langue. Cependant, ce n'est pas forcément une langue difficile. C'est vrai que Diego Suarez se distingue éventuellement des autres villes, essentiellement par son histoire. C'est une histoire particulière. Mais c'est vrai que pour vraiment comprendre Diego Suarez, c'est nécessaire de s'intéresser à son histoire. Ensuite, peut-être moi ce qui m'a retenu à Diego Suarez, des traits culturels particuliers, notamment une relation au temps qui peut être assez décontractée. On n'est pas dans un productivisme et dans une efficience systématique. Alors pour certains, ça peut poser problème, mais ça peut être aussi un bon moyen de justement d'apprendre à vivre et de laisser faire les choses, hein, de lâcher prise. Donc ça peut être un petit peu aussi une leçon de vie, de vivre à Diego Suarez. Et parvenir à vivre à Diego Suarez, c'est forcément une approche un peu philosophique de la vie. Nous remercions Mathieu pour ce guide très complet qu'on recommande chaleureusement à tous les curieux qui veulent en savoir plus sur Diego et sa région, ou tout simplement se familiariser avec la langue sakalave qu'on parle à Diego. Nous approchons de la fin de ce premier numéro, l'heure de vous présenter quelques rendez-vous culturels à ne pas manquer ces prochaines semaines. Pour ce faire, nous rejoignons Olivia qui nous ouvre les portes de l'Alliance française d'Antsiranana. Je travaille principalement sur donc l'organisation d'événements culturels, que ce soit des concerts, des expositions ou même des résidences d'artistes, sur la médiation culturelle également, avec des ateliers auprès des scolaires ou d'autres artistes de la ville. Donc nous, on essaie d'avoir une programmation la plus éclectique possible. Vraiment, on essaie de toucher un peu à tous les domaines artistiques, musique, danse, slam, théâtre, marqueterie, enfin, on essaie de toucher le public le plus large possible. Et je ne vous cache pas qu'il y a une grande partie de concours de circonstances, des artistes qui passent par là à ce moment-là, qui sont intéressés. Puis du coup, en fait, on a comme une sorte d'aura, je ne sais pas comment dire, des gens ont envie de... Alors, où que ce soit les artistes de l'extérieur, ils sont curieux de découvrir Madagascar et sa culture, donc ils sont prêts à s'engager et à faire donc tout un effort financier, voire même trouver des financements pour venir ici. Et puis après, bah oui, on flaire les bonnes occasions, les bonnes opportunités. Donc souvent les choses, comme par exemple à l'exemple de Regards Croisés, une résidence artistique qu'on a organisée il y a quelques semaines, c'est vraiment souvent un coup de chance en cours de circonstances, ça joue aussi sur le réseau. Voilà, mais les gens, d'une façon générale, sont assez... intéressés à l'idée de venir à Diego Suarez. C'est vrai qu'on est de plus en plus éloignés et coupés du reste du pays, enfin isolés en tout cas, de par la route qui est vraiment dégradée. Mais en tout cas, les gens ont toujours envie de venir à Diego Suarez, ont toujours cette curiosité de découvrir ce bout du monde de la région Diana. Donc voilà, grâce à ça, les artistes ont envie de venir à Diego et ça tombe bien parce que nous on a envie de les accueillir. Et donc ça crée comme ça des fois des petites rencontres, des fois des festivals et parfois des rendez-vous qui se pérennisent année après année. Qu'est-ce qui fait la particularité de Diego Suarez pour vous ? Le côté très africain peut-être de Diego par rapport au reste de Madagascar. Le côté plus vif et spontané des gens. C'est un tout, en fait, c'est un tout. C'est la chaleur des gens, c'est le cadre de vie, c'est le vie de la ville. Cette alliance aussi, moi, ça représente beaucoup pour moi ici à Diego Suarez. Enfin, beaucoup de mon quotidien, beaucoup de mon séjour ici. Je passe beaucoup de temps dans cette alliance finalement. Donc voilà, c'est un tout, c'est les rencontres que j'y ai faites, les artistes, les gens, des personnes, une équipe, voilà. Est-ce que tu peux nous parler des quelques concerts qui arrivent ? En avril, il y aura donc une tournée de Culture Bus, de la première production de l'Alliance française, qui est donc Somila et la Cabosse extraordinaire, de Van Cabos et Nino, qui tournera donc dans les quartiers de Diego Suarez. Ensuite, le mois se poursuivra avec le concert de Gaël Aurélou et le projet Identité, qui est donc la tête d'affiche du Nocibe Jazz Festival, avec qui nous sommes partenaires, qui jouera donc le vendredi 19 avril au Jardin Tropical à 20h. Et enfin, le mois de avril se clôturera avec le concert de Christelle sur sa tournée africaine, où elle jouera uniquement à Diego Suarez en province, et qui sera donc le vendredi 26 avril à 20h au Jardin Tropical, encore une fois. Début mai, on aura donc la compagnie de cirque Aléa des Possibles, projet d'une compagnie réunionnaise, la compagnie Carambolaz, qui s'allie avec un grand comédien malgache qui est donc Gad Ben Salem. Ils ont un projet ensemble qui s'appelle Zanahar, donc ils viendront jouer à Diego Suarez la deuxième semaine de mai. Ensuite, on aura le retour du grand Adjazz, qui se produira donc à l'Alliance ou au Jardin Tropical le vendredi 17 mai. Merci à Olivia pour ces nombreux rendez-vous. L'entrée à tous ces événements est gratuite, alors n'hésitez pas à participer. Nous terminons l'émission en vous remerciant de nous avoir suivis. Merci aussi à Jean-Daniel pour RFM et Dany pour Radio Jupiter pour leur confiance. Merci enfin à Soleil pour son soutien quotidien, à Drina pour l'habillage sonore et enfin Nino pour le logo. Vous pouvez poser vos questions ou réagir sur la page Facebook de l'émission Diego ça bouge. Nous nous retrouvons le mois prochain, même heure, même endroit. D'ici là, nous vous laissons avec Gaël Aurélou et son projet Identité, dont nous écoutons tout de suite un court extrait. Il sera en concert à Diego au Jardin Tropical ce vendredi 19 avril à 20h. Batin pe la main fe wanunga ya zonena o batin pe la main banna batin pe la main batin pe la main fe wanunga ya zonena. Ce groupe, ce projet, c'est un petit peu ma rencontre avec la Réunion, avec la musique réunionnaise et l'envie de partager la musique avec des musiciens réunionnais qui puissent dans leur patrimoine musical traditionnel pour réaliser en fait donc une rencontre entre le jazz et la musique créole réunionnaise. Donc c'est un thème de tous les peuples, c'est-à-dire trouver en fait un terrain de partage entre des cultures différentes. En fait la musique réunionnaise ça m'a plu tout de suite quoi. J'adore ça, j'adore la rythmique. C'est très particulier, les rythmes tels qu'ils sont joués ici, les rythmes de l'océan Indien. Il y a vraiment une identité rythmique très particulière. Et d'une certaine manière, ce phrasé qu'on appelle ternaire, j'ai trouvé tout de suite une passerelle avec le phrasé du jazz. Sauf que c'est pas exactement joué pareil, mais quelque part on sent une parenté lointaine dans les origines. On a joué devant des publics assez variés. C'est vrai que la puissance de la percussion et des rythmes réunionnais, avec la puissance du chant aussi, tout ça conjugué avec les instruments, l'orgue, le sax, la guitare, ça fait un ensemble qui est très riche. Quelque part qui est à la fois inédit et très accessible en fait. Le public répond hyper bien. Diego ça bouge, magazine d'actualité culturelle en français à Diego et au nord de Madagascar. Diffusion à Diego à la radio Jupiter 90 FM, samedi 14h à 15h, Atana RFM, Radio France Madagascar 102 FM. Animation Zoul, page Facebook Diego ça bouge.